14.4, observation. Prononciation, le son I. Écoutez. Cérémonie. Sympathie. L'astronomie. Gastronomie. Psychologie. Les États-Unis. Il est midi à Paris. Vive la vie. Ah, c'est gentil ici. Notez que le son « i » est fermé et long. C'est le même au début, au milieu et à la fin d'un mot.